miroir de l'intention, n'y a qu'un pas pour les profanes, celui des rêves, le cœur en proie qui ont les fleurs de la bohème. Le souvenir que du vacarme et ce carquois en bandoulière, qu'il sensait que je m'assois pour retenir ce poème. Vers les miroirs de l'intention, n'y a qu'un pas pour les profanes, celui des rêves, le cœur en proie qui ont les fleurs de la bohème. Le souvenir que du vacarme et ce carquois en bandoulière, est-il censé que je m'assoie pour retenir ce poème dans les miroirs? I will run.